Un invité, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste, une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de... Brunoy Zarn. Jazz, musical, or a bigger room we could take. Time, keep the night, keep it cool. Town, right, straight ahead on my way back. Clouds, eyes, dreaming up till the end of time. Bonsoir Brunoy Zarn. Bonsoir. Voilà des lustres que vous agitez les scènes hexagonales et même au-delà, comme dirait Buzz l'éclair, avec vos guitares déglinguées. Des scènes que vous avez arpentées, agitées, retournées sous divers patronymes. Benaz, par exemple, à l'époque de Tepaz et Naz, un duo fondé en 95. Benaz encore, lorsque vous rejoignez le Dipsoman, un trio punk basé à Toulouse et monté en 1998. Benaz, toujours. Lorsque vous proposez en 2005 au violoncelliste Dominique Brunier un contrat d'association, le temps de monter l'espace d'une année, Le Roi Nu, une quinzaine de morceaux, un EP et puis basta. En 2007, on vous retrouve sur scène sous le nom de Kestekop. Vous, vos guitares plutôt acides, votre voix chaude pour une célébration avec Looper du rock'n'roll. Puis ce sera le duo double à Pâques en 2010, monté avec le slammer Jicabo. Un an plus tard, Kestekop remet le couvert, ça sera Kestekop 2, duo avec le batteur Eric Boccalini, que l'on avait connu ici à Toulouse dans le Didier Labbé Quartet. En 2015, vous apparaissez sous le nom de Brunoy Zarn pour des sets nerveux, sorte de mix entre les sons blues et les hurlements d'un Olfin Wolf et l'électropunk d'un Alain Vega. Alain Vega Vega et son groupe Suicide, dont vous digérez pour mieux le transformer, l'album Ghost, dans un show épileptique et épique en solo que l'on peut encore voir de temps en temps, comme ce fut le cas à Toulouse au Taquin au printemps dernier. Et puis en 2016, Bruno Zarn, vous rencontrez Mathias Imbert et Pierrot Pépin. De cette rencontre naît Boucan, un trio dans lequel vous jouez du banjo et des guitares bidon. Et bidon, c'est pas pour qualifier les guitares, c'est qu'elles sont vraiment fabriquées avec des bidons. Trio énervé, poétiquement punk, qui devient duo à la mort du trompettiste Pierrot Pépin. Boucan, deux albums au compteur, le troisième va s'enregistrer dans l'année. Et puis, depuis, vous avez rejoint le quartet du contrebassiste Mathias Imbert, dit Imbert. Imaginez avec le batteur et percussionniste Laurent Paris un ciné-concert sur le film de 1969 de Philippe Garrel, Le Révélateur. Monté en 2020, le trio La Foule, avec le comédien et chanteur Erwan Valette et le percussionniste Fred Cavalin, tout en continuant à jouer vos propres compositions, telles le Moon Jazz que l'on vient d'écouter, issu d'un album éponyme sorti en 2020. Rajoutez à cela la composition de partitions pour une poignée de films, de documentaires, de téléfilms, mais aussi, je le disais, de films, dont Pas de repos pour les braves, d'Alain Guiraudy, présenté en 2003 dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Rajoutez à cela la réalisation d'un parcours sonore illustrant une exposition de sculpture d'Antoine Bourdel à Montauban, et vous aurez compris que notre invité du soir est un agitateur plutôt boulimique, un musicien de rock passionné de blues, flirtant parfois avec les musiques improvisées, intéressé par le son qu'il donne à ses guitares et ses dérivés hybrides. Ouverture d'esprit que l'on retrouvera ou pas dans la liste de 10 morceaux que Bruno Izarn nous amène ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Impressionnant, vu comme ça. Pas mal, ouais. Vu comme ça, on se dit que vous n'aurez pas de mal à avoir les trimestres pour avoir la retraite. Ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire, et on a commencé à en parler ce matin, puisque cette émission est enregistrée juste après la manifestation du 31 janvier contre le projet de retraite Macron. Mais nous ne sommes pas là pour parler de cela, nous sommes là pour écouter cette liste de 10 morceaux que Bruno Izarn Benaz ou Kestekop nous a concocté ce soir. Et cette liste, elle commence avec ce morceau. Time went so quickly, I went lickety-splickly out to my old 55. As I pulled away slowly, feeling so holy, God knows I was feeling alive. Premier morceau, avec ce morceau tiré du premier album de Tom Waits. L'album s'appelait Closing Time. Cet album, pour commencer votre liste, avec un Tom Waits, on ne reconnaît pas la voix. Depuis, il a cramé quelques cigarettes supplémentaires pour l'affiner. Pourquoi ce Tom Waits en premier morceau de votre liste ? Alors je dirais que je pense que cet album-là, c'est l'album que j'ai le plus offert de ma vie en fait. J'ai dû en offrir au moins 20 exemplaires. Aux gens que j'ai estimé importants, des rencontres. Être capable de le recevoir. Ouais, aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Et non, Moi, j'ai une grande sœur. Enfin, moi, j'ai commencé la musique, hein, voilà, à 13-14 ans, avec les copains, en jouant de la guitare. J'aimais le rock'n'roll. Et puis, j'avais une grande sœur. J'ai commencé à écouter ses disques. Voilà, elle avait des copines un peu plus âgées. Et il y avait le pote de sa meilleure amie qui avait 20 ans. J'en avais 13, quoi. Et c'est ce mec-là qui m'a trimballé partout et qui, un jour, me fait écouter ça. J'avais 14 ans, quoi. Il me dit, écoute ça. Et moi, je suis tombé amoureux de ce disque, alors que j'avais vraiment aucune raison, il n'y avait pas de guitare saturée dedans, quoi. Et cet album me suit depuis 40 ans presque, quoi. C'est quoi qui vous fascine dans cet album? C'est la voix de Tom Waits, c'est son côté blues jazz, c'est cette désespérance qu'il y a dans sa voix. Ouais, il y a déjà tout ce truc-là, ouais, assez, cette profondeur, sans le côté, comme tu dis, trop exagéré, trop marqué de la voix cassée. Et moi, j'aime bien cette simplicité. Enfin, à l'époque, je savais même pas qu'il existait le Tom Waits, qui était déjà là depuis 20 ans, je pense. Cet album, il est de 73. Ouais, ouais. Et ça me touche tout simplement, quoi, je crois. Hein. C'est un truc. Et voilà, et de cette ambiance jazzy qui était vraiment loin de tout l'univers que, qui était le vôtre. Qui était le mien. Ouais. Et voilà, et c'est là où l'amour de la trompette est arrivé là, je pense. On en reparlera plus tard. Voilà, et puisque dans ce morceau, un peu plus loin, il y a une magnifique intervention d'une trompette bouchée. Voilà, et je pense que voilà, ce timbre, tout ça, la réaction à la musique, elle est toujours dure à expliquer. Ouais. Et là, moi, c'est un album quand je l'ai écouté des milliers de fois, j'ai pleuré un paquet de fois dessus et je l'ai offert. Ah. Donc un album qui est sorti en 73, vous-même vous êtes né en quelle année? Moi, je suis né en 69. En 69, dans le Tarn? Je suis né dans l'Aveyron et grandi dans le Tarn. Ah ouais, ah ouais. Vous êtes un des rares qui aura eu les deux nationalités. J'ai traversé le Vior. Ouais. Ah ouais, ça c'est compliqué. Mais bon, j'avais 6 mois. Ouais, vous avez des circonstances atténuantes. Ouais, mais ça reste quand même marqué. Donc, mais pour les Aveyronnais, on n'est pas... Alors moi, je suis né à Nocelles, donc j'ai grandi dans le nord du Tarn, vers Carmaux. Ouais. Et pour les Aveyronnais, quand t'es né à Nocelles, t'es pas vraiment un Aveyronnais. Donc il y a toujours une complexité à ce niveau-là. Et pour les Tarnais, quand on est né à Nocelles, on est déjà un Aveyronnais. Ah oui, ça suffit pour se battre. Hein. Et qu'est-ce qu'on écoutait à la maison lorsque vous étiez plus jeune? Alors à la maison, pas grand-chose. Moi, j'écoutais donc les disques de ma sœur. Ma sœur, donc j'ai écouté... les premiers disques que j'écoutais, c'était le premier album de Charlie Couture, Poème Rock, que j'aime beaucoup, ce son anglais. Avec Comme un avion sans ailes. Voilà, ouais, ouais. Et cet album-là, elle avait Au cœur de la nuit de téléphone, Igelin à Mogador, le live. Et des choses comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de musique chez moi. Hein. Ouais. Mes parents, il y avait un disque de Brel, il y avait Miles Davis et Kind of Blue et Verschuren, quoi. Ah ouais, ouais. Donc c'est vraiment avec les disques de ma sœur que j'ai commencé à taper sur les trucs à côté de moi et que ça m'a donné goût à la musique, je pense, quoi. Ouais. Deuxième morceau de votre liste, album de Led Zepp. On n'a pas encore eu le temps d'écouter la voix sur ce morceau. C'est vrai qu'on est loin, du hard rock que Led Zepp a pu fabriquer et fabriquer déjà sur cet album. Et c'est vrai que là, on reconnaît tout l'amour qu'il pouvait avoir pour le blues. Ouais, notamment c'est sur Physical Graffiti. Donc je crois que je pense que c'est à peu près la même année, 73 aussi. 75 celui-là. 75. Ouais. Et cet album, c'est là où il y a Cachemire, c'est déjà de la musique du monde avant l'heure. Enfin, moi, j'étais fan de Led Zepp, j'ai appris la guitare en écoutant Led Zepp. Je pense que j'ai dû jouer tous les morceaux de Led Zepp à une époque. Je connaissais tous les solos par cœur. C'est eux qui m'ont amené au blues, justement, aux racines du blues, des choses comme ça, entre autres, quoi. Et puis, ces accordages de guitare, ce son, le meilleur batteur du monde, John Bonham. Là, juste en écoutant une minute, j'ai dit « Ah ouais, je comprends pourquoi... » Et c'est quand même une grosse base pour moi, Led Zepp. Et puis cet album-là, il y a Bronnie Yor, il y a des morceaux... Moi, ce que j'aimais bien, c'est de pouvoir passer du blues au rock'n'roll, au cachemire, et un peu musique du monde, d'avoir des morceaux acoustiques incroyables. Bronnie Yor, là, un morceau que je suis très amoureux aussi. Et rappeler que Cachemire, pour les plus jeunes auditeurs, c'est un morceau où on entend des effluves de musique arabe. Ça correspond à la période où ils ont passé un peu de temps au Maroc. Et y a ces influences arabes, gnawa, qui sont très, très marquées dans cet album et dans ce morceau, Cachemire en particulier. Qu'ils ont surtout appris, ils ont refait une tournée à Page et Plante, que j'avais vu à Toulouse d'ailleurs à l'époque, en 93, je pense. Oui, avec un orchestre arabe et vous avez tout repris leurs morceaux en acoustique, c'était assez merveilleux. C'était des choses aussi que vous jouiez avec vos copains. On essayait, on avait l'impression de savoir le jouer, mais avec le recul, j'y arriverai peut-être maintenant, mais voilà. Racontez-nous un peu ces histoires de groupe à Carmo. De groupe à Carmo, t'as juste trois potes au bahut qui s'intéressent moins au foot qu'à la musique, avec qui tu vas jouer tous les week-ends, où t'as l'impression qu'il n'y a que ça qui existe et que dès que tu commences à jouer de la guitare tout seul, tu trouves ça nul. Et puis dès que tu le fais avec un pote, t'as l'impression d'être le roi du monde. Alors quand t'as un batteur, un bassiste et un pote qui essaie de chanter, t'as l'impression que ça y est, c'est parti, quoi. C'était quoi? C'était des reprises? C'était des compos? C'était surtout des reprises. À l'époque, j'avais l'impression d'essayer d'apprendre, quoi. Je passais pas mal par la reprise. Et des reprises de qui? Dont Led Zepp, Led Zepp, Téléphone, je pense. ACDC, enfin, tous les classiques. Faut dire que le nord du Tarn, en 1985, c'était un peu le tiers-monde, quoi. On était à 2 heures de Toulouse. Moi, j'ai jamais entendu parler de Cure avant d'arriver à Toulouse, quoi. C'était très hard rock, il y avait des balles. Il y avait les Leaders, il y avait des groupes de balles comme ça qui reprenaient du ACDC. Et je pense qu'un mec qui a le même âge que moi, qui a vécu à Paris, moi j'ai jamais écouté tout ce qui était. Toute la New Wave et tout ça, c'était Paris. Ça veut dire que l'explosion punk du début des années, fin des années 70, début des années 80, les Pistols, les Clash et tout ça, à cette époque-là, vous y êtes passé à côté? Je suis passé à côté à cette époque-là, complètement. Moi, j'ai découvert les punks quand Michel Bessette a fait venir à Carmo les Shérifs avec, il y avait une soirée, les Roadrunners, les Shérifs et les Tugs, Et c'est là où je voyais mes premières crêtes, j'avais 15 ans et voilà. Oui, on va rappeler aussi Michel Bessette, un grand organisateur de concerts dans le Nord du Tarn. On lui doit notamment plein de concerts dans ce qu'on a appelé la découverte, l'ancienne mine de Carmo. C'était la Soul Rock Time, il faisait passer les Dr. Feelgood deux fois par an, il y avait Christian Vander, c'était... assez dingue, quoi. Et quelqu'un qui a été important pour la diffusion de la musique dans cette partie du Tarn, Carmo, Albi. Tu faisais venir des gens auxquels on n'avait pas accès, quoi. Là, on change complètement d'univers avec cet extrait de la BO du film Vengo de Tony Gatliff. BO qui va nous permettre aussi de parler avec vous de votre implication dans les bandes originales de certains films ou documentaires. Mais pourquoi ce Vengo de Gatliff? Ce film, il m'avait renversé quand je l'ai vu à sa sortie, quoi. Puis ce rapport à la musique qu'a Tony Gatliff, il est quand même assez rare dans le milieu du cinéma. Moi, j'ai un rapport hyper proche avec le cinéma. Moi, j'ai Donc pareil, j'étais dans les campagnes du nord du Tarn, il y avait l'institut du village qui faisait des ciné-clubs de temps en temps, et c'est là où j'ai vu Paris, Texas, pour la première fois de ma vie, qui m'a aussi scotché par terre, ah ouais. Où on voyait The Wall de Pink Floyd, le film, voilà, et c'est... Et ça m'a, je pense que le Paris Texas m'a définitivement accroché la musique à l'image, quoi. Ouais, ouais. Et dans Tony Gatliff, je retrouve ça, c'est-à-dire que je retrouve une super image, des super histoires et cette musique qui est centrale dans tous ces films, quoi. Et voilà, et ce film, il m'a renversé. Et voilà, juste son pote qui lui montre les arbres avec le vent qui dit, tu l'entends là, ça, c'est le duende. Et là, bam, et là, moi, je pars direct. Et ce musique, et la BO de ce film, elle est. Incroyable. Vous parliez aussi de Paris, Texas. Rappelez aussi que la musique, c'était Ry Cooder. Exactement, ouais. Qui avait fait cette musique-là, très, très country, très western, ouais, très blues. Ouais, ah. Ouais, j'aurais pu choisir, mais après, on va l'entendre avec un autre groupe tout à l'heure. Mais ouais, j'ai réécouté la musique de Paris, Texas il n'y a pas longtemps. Le son est monstrueux. C'est juste la guitare dobro. Enfin, waouh. Et le flamenco, c'est une musique qui vous touche ou c'est surtout dans le cadre des films de Gatliff qu'elle vous a touché? Oh, ça me touchait déjà avant. Il y a un disque de rencontre, Paco de Lucia, John McLaughlin, Aldi Meola, le Friday Night in San Francisco, là, qui était un peu un classique qu'on écoutait autant que les Parabellum à l'époque. Ouais. Et moi, j'ai vu Paco de Lucia en concert quelques fois. Et c'est une musique, ouais, c'est le blues espagnol, quoi. Ouais. Enfin, donc, il y a un truc assez viscéral et physique. C'est ce qui, je crois, me plaît dans la musique en général, quoi. Ouais, s'il n'y a pas ce côté-là, je m'y accroche pas, quoi. C'est ce que vous continuez à donner sur scène, vos tripes? Ah ben, je pense que c'est pour ça que, ouais, Eh ben, ouais, bien sûr, ouais. Oui, oui. Beefheart, Electricity, tiré d'un album sorti en 1967. Son premier album, ouais. Question, pourquoi cet album dans votre liste? Alors pourquoi? C'est un album que j'ai découvert assez tard, en fait, mais moi je trouve qu'il y a tout dedans, quoi. Il y a la folie, il y a le blues forcément qui me tient un peu à cœur, les guitares, il y a ce son qui, 50 ans après, n'a pas vieilli. Il faut écouter ça en stéréo, il y a la batterie à droite, il y a la voix à gauche, c'est hallucinant. À la guitare, on retrouve Ry Cooder à 17 ans, qui fait ses premiers pas... Dans le milieu du disque. Ouais, et puis... quand il est mort, Tom Waits avait dit que Captain Beefheart, il nous montrait la voix, quoi. Et voilà, pour moi, c'est un truc... Et puis c'est un album, son premier album, Safe as Milk, et je le trouve incroyable, quoi. Le côté psychédélique, c'est quelque chose aussi qui vous a beaucoup marqué, qui continue à marquer un peu votre musique. Ouais, c'est possible, ouais. Avec un son, je parlais tout à l'heure de guitare acide, je veux pas dire que tous les joueurs de guitare étaient sous acide à ce moment-là, mais pas forcément. Effectivement, il y avait ce son très acide de guitare dans ces années-là, donc on est dans les années 70, que vous continuez à développer dans vos sets en solo. Ah ben carrément, c'est surtout un son qui s'est pas mal perdu de... Voilà, là c'est une guitare sur un ampli, quoi, un ampli à lampe, et ça fait clink, clink, clink, clink. Ça, là c'est une télécaster, là ça accroche. Et moi j'ai beaucoup du mal avec les sons, les pédaliers, tous les trucs. Faut pas que ça sente trop le velours, quoi. Donc ouais, je suis attaché à ces sons de guitare de cette époque-là. Donc Je joue comme ça et j'ai ce son-là, du coup. Et c'est vrai que vous continuez à développer ces sons-là au travers de ces guitares dont je parlais en début d'émission, ces guitares bidons qui ont un son encore plus acide que peut avoir une Telecaster. Ah ben, ouais. Là, on est vraiment dans du brut. Ouais, là, on est vraiment un peu à l'origine du truc, quoi. Ouais. C'est des guitares très particulières, quatre cordes, qui sont fabriquées par qui, au fait ? C'est un mec qui fait ça en Ardèche. Ah ouais. C'est très cheap, hein, c'est inaccordable, à moitié faux, mais ça a un grain que tu retrouves pas ailleurs, quoi. Donc, et puis ça te permet, surtout, c'est assez dur à jouer, donc tu peux pas faire ding-ding-ding-ding, tu fais king-king-king-ting-king. Donc ça... Moi, je trouve que c'est toujours les instruments ou le son qui m'a amené à faire de la musique. C'est-à-dire que j'aurais jamais fait la même musique si j'avais pas découvert le banjo, si j'avais pas joué sur ces bidons-là. Et moi, ce que j'aime, c'est découvrir un instrument, l'accorder d'une certaine manière. Et c'est ça qui va m'amener à faire une certaine musique que j'aurais jamais imaginé de moi-même. Moi, j'ai aucun cursus musical, j'ai pas fait d'école. Donc, je suis incapable d'écrire un morceau comme ça. Un instrument, un son m'amène à faire une musique et les bidons, ça m'a permis de faire la musique que je fais depuis les 5 dernières années, notamment. Oui. Et puis ça vous a permis de développer un répertoire très particulier pour Boucan, par exemple. Exactement. Où, effectivement, ouais. La signature sonore de Boucan, au-delà de la contrebasse de Mathias Hembert, c'est ce son de gratte. Ouais, voilà. On appelle plus ça des grattes. C'est ce son de ces instruments très particuliers. Ouais, c'est une contrainte qui te pousse à quelque chose. Et pour ça, c'est vraiment... Ce qui nous pousse à composer des choses qu'on n'aurait jamais composées avec une guitare, tout simplement. Quand vous dites que vous avez appris la guitare en autodidacte, comment on fait ? Il y a un copain qui joue déjà et qui vous montre des accords. Vous regardez Rock and Folk dans la page... Guitare et clavier, à l'époque, c'était où il y avait des tablatures. Méthode Adadi et compagnie. La méthode Adadi, voilà. Mais moi, comme j'étais très mauvais en picking, ça m'a saoulé très vite. J'étais là, mais j'y arriverai jamais. J'avais un pote qui avait le même âge que moi, avec qui j'ai commencé, qui lui, il arrive à jouer tous les Grim Allwright et tous les trucs de Daddy. Là, j'étais là. Moi, j'ai acheté ça, mais j'étais là, oh là là. Mais c'est vraiment les potes. Et après, j'ai quand même pris un an de cours avec un mec, un illuminé qui est devenu mon pote après à Albi, quoi. Et qui, lui, m'a ouvert les trucs. Et après, c'est tout seul, quoi. Enfin, c'est les rencontres. Enfin, voilà, j'ai les disques, quoi. Quand j'ai joué tous les Zep, j'écoutais les disques et puis on faisait des solos comme ça. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... C'était... Pour savoir comment jouer ça, fallait imaginer. Quoi. Et fallait s'y mettre. Voilà, ouais. Il n'y avait pas de petits tutos à regarder sur nos téléphones portables. Harvey et John Parrish, là aussi des gens importants pour vous, surtout Parrish. Eh ben John Parrish, ouais, vu qu'avec Boucan on a quand même enregistré un disque avec le premier album avec lui, ouais, c'était déjà quelqu'un d'important à l'époque et là c'est devenu quelque chose. Pourquoi l'intégrer dans votre liste ? C'est aussi ce son de guitare un peu énervé qui vous intéresse ? Ouais, c'est un disque que j'aime beaucoup. Moi, je suis fan de PJ Harvey, forcément. Mais ce disque-là, John Parrish, PJ Harvey, c'est vraiment un album qu'ils ont fait ensemble. Lui, il a fait toute la musique. Elle, les voix, donc c'est vraiment une collaboration. C'est pour ça que c'est John Parrish et PJ Harvey. Et je trouve cet album, pareil, qui parle dans tous les sens. Là, c'est une partie un peu énervée, mais c'est... C'est tout ce que j'aime, quoi. Lui, il est fan de John Bonham, il est aussi batteur, John Parrish, là. Donc, moi, j'ai pris ce morceau parce que. On n'a pas entendu quand ça part après, mais écoutez-le, quoi. Et je trouve, voilà, je trouve ça, c'est tout ce qui me plaît, quoi. Avec ce côté très urgent dans ce style de musique et dans cet album en particulier. Ouais, ouais, il y a vraiment cette notion d'urgence qui marque cet album. Faut le faire maintenant parce que dans 15 jours, ça sera passé. Ben ouais, carrément. Ouais, il y a un truc comme ça assez viscéral et... On a l'impression souvent dans la façon dont vous êtes sur scène qu'il y a ce côté aussi urgence, c'est maintenant et me demandez pas de faire la même chose dans 15 jours, ça sera passé, mais qu'il y a vraiment cette façon de se présenter sur scène. Ben, il y a un côté un peu jusqu'au boutiste, quoi. Quand on est sur scène, on est là pour ça et faut y aller plus qu'à fond, quoi. Donc voilà, je finis toujours la voix cassée, hein, j'ai trop gueulé, je me dis putain mais arrête de gueuler comme ça, et voilà, je casse des cordes, je sue comme pas possible, mais ouais, il y a un truc, je le conçois pas autrement, quoi. Ah. Et c'est ça aussi le rock'n'roll vu par Bruno Izard. Ouais, voilà, c'est, ouais voilà, moi j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens où j'étais surtout pas d'accord. Eux, ils mettaient le rock'n'roll sur la taille des amplis, sur. Mais j'ai trouvé toujours la trompette bouchée de Tom Waits beaucoup plus rock'n'roll que tous les groupes de métal que j'ai pu entendre depuis. Et j'ai besoin d'avoir ce son-là, cette énergie-là et un truc. Et qu'importe la musique, quoi. Et je pense que la musique de Tony Gatliffe, c'est bien plus rock'n'roll que beaucoup de groupes de rock qui se disent rock, quoi. Et c'est l'énergie qu'on y met. Pas la puissance des amplis, mais l'énergie qu'on y met. L'énergie, et puis ce truc à l'intérieur là, qui explose, là. Ouais. Et puis Jervais a fait ça tout le temps. Et après, différemment, suivant comment tu grandis, t'évolues, mais il y a quand même ce truc-là, ouais, au fond, là, qui... Et je vois la musique un peu que par ce biais-là, quoi. Morceau Early in the Morning, extrait d'un album, référence, sorte de compilation de morceaux qui ont été enregistrés en direct par Alan Lomax et avant lui son père. Donc ça, c'est des chants de prison qu'il est allé enregistrer dans des prisons dans le sud des États-Unis. On rappellera simplement que les deux Lomax, le père et le fils, dont le père avait été chargé à l'époque... Par le Congrès américain. Voilà, à l'époque de Roosevelt, d'aller collecter des chants populaires américains, alors tout genre, hein, le blues, les chansons de travail dans le sud, mais également le country dans les grandes plaines américaines, ouais, les musiques irlandaises qui seraient encore, en fait vraiment, toute la musique populaire américaine, que c'est des trésors qui sont entreposés à la bibliothèque du Congrès à Washington, et dont les Lomax se sont focalisés quand même beaucoup sur le sud des États-Unis et le blues, et on leur doit la découverte de pas mal d'artistes qui devenus des vedettes, et puis des trésors de musique. Mais ça, c'est les chants de prisonniers américains. Ouais, ils ont été les premiers, c'est le premier à avoir enregistré Muddy Waters, quoi. Enfin, y a un bouquin qui est sorti, donc on en parlait tout à l'heure, chez les fondeurs de briques, le pays où naquit le blues, où il raconte tout ça, là, voilà, les histoires où il finissait en prison, parce que déjà, de parler à des Noirs à l'époque, c'était hallucinant, quoi. Et c'est un producteur, j'ai rarement eu des producteurs dans ma vie de musicien, donc c'est un producteur, Stéphane Bismuth, à l'époque de T'es pas assez naze, qui m'avait fait écouter ça, découvrir ce... Parce que ses potes à lui, à Liverpool, il l'appelait le Alan Lomax de Paris, quoi. Parce qu'il allait toujours dénicher des trucs pas possibles. Et voilà, moi, ce morceau, il dure 5 minutes, enfin, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir le souffle coupé, quoi, et c'est, il y a un site internet où il faut aller voir, c'est le vaste monde, Et là, c'est près de l'os, on ne peut pas être au plus près. Quoi. Après, on est à l'intérieur. Quoi. Et c'est vrai que si vous voulez voir des films qui ont été tournés par Alan Lomax, il y en a plein sur YouTube qui traînent encore. Et c'est toujours très impressionnant parce que sur certains films, on entend la poule continuer à caqueter derrière. Il y a Aaron Burnside comme ça, là, dans son jardin avec trois cordes. Et le poulailler qui piaille derrière. Avec quand même des trésors. Ce qui marque aussi votre intérêt pour le blues, on le disait depuis le début, c'est, même si ce n'est pas votre première musique, c'est la musique auquel vous faites souvent référence. Ben ouais, mais c'est bizarre parce que j'écouterai pas forcément un album de blues comme on l'entend maintenant, quoi. Parce que là, j'ai mis ça, mais j'ai beaucoup écouté de chants indiens, de natifs américains, j'ai beaucoup de disques de ça, et c'est un truc qui me nourrit autant que le blues... Et puis, il y a un documentaire d'ailleurs où il parle de l'influence de tous les Indiens d'Amérique sur le Wumble. Je ne sais pas si tu l'as vu, qui est fabuleux. Quoi. Qu'on dit, ah oui, je n'avais pas pensé à ça sur Hendrix. C'est vraiment. Et. Ouais, moi j'ai besoin d'un truc près de l'os comme ça. Là. Alors, ça, des chants indiens où les seules percussions, ça peut être des cailloux qui tapent le rythme pendant qu'on chante. Ah ouais, puis il y avait des chants. Mais c'est, moi, ça me touche particulièrement. Quoi. Après, je ne sais pas trop. Pourquoi, mais voilà. Et c'est quelque chose qu'on entend aussi dans votre façon de chanter. Je pense notamment à Boucan, où il y a des morceaux qui commencent comme ça, justement sur des chants qui sont exposés comme ça au public de façon très brute, avec simplement quelquefois une percussion, Ember qui tape sur sa contrebasse, et puis ça a à voir aussi avec ces chants de travail ou ces chants de prison des Noirs américains dans le sud des États-Unis. Ou ces chants de cérémonies religieuses des Indiens que vous évoquiez tout à l'heure. Et c'est vrai que vous avez cette façon aussi de chanter sur certains des morceaux de Boucan. Ben là, c'est de la pure... improvisation. Après, comme le sens de l'improvisation, ça vient jamais de rien, on n'invente jamais rien. Mais ça m'a tellement nourri que ça peut que ressortir. Et puis, dès que l'occasion se présente, ça sort, quoi, en fait. Avec ce côté trans que vous développez dans vos musiques, on est vraiment là-dedans aussi. Il y a cette façon assez répétitive, quelquefois, de balancer des accords ou de balancer des intonations de voix et qui amène petit à petit à la trans. Ah ouais, moi, c'est un truc, la musique répétitive et tout ce qui est trans, c'est pour ça que je fais le Ghost Rider One Hour. Donc, c'est un morceau où je joue un morceau de Suicide, mais pendant une heure, ça m'arrêtait. Et là, il y a un côté trans qui monte et qui... Ouais, qui... C'est pour amener le public vers où, ça? Vers la folie, quoi. Mmh. Ouais, moi, ce Ghost Rider particulièrement, c'est vraiment, pour moi, mon objet le plus abouti dans ce votre chef-d'œuvre, comme on dirait, en apprentissage. Ouais, je n'irai pas me mêler comme ça là, des chefs-d'œuvre. Mais en tout cas, c'est là où il y a tout moi, quoi. Donc là, je pense qu'on retrouve toute ma liste dans ce set-là d'une heure autour de Suicide d'Alan Vega. Voilà, et qui nous amène à un truc où, à la fin, où ça peut ne plus s'arrêter, quoi. Ouais. Et quand ça s'arrête... Il y a une explosion. Il y a une explosion et puis une frustration de malade. Parce que quand ça se passe vraiment bien, quand les conditions sont réunies, c'est un morceau que tu sais, je ne sais plus l'arrêter. Quoi. Mm. Et à un moment donné, il faut bien que je l'arrête. Et quand je l'arrête, là, je me fais engueuler et je me dis, putain, c'est bon, c'est réussi. Les petits enfants qui tombent du balcon, toute leur enfance du fil dans leurs yeux. Elle est courte et ils s'ennuient même un peu. Alors ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Ils s'échappent, ils volent devant les fenêtres. Ils disent bonjour à tous les locataires, on les invite à venir prendre un verre. Ils disent d'accord, mais il ne reste qu'un instant. Alain Bachoun, les petits-enfants, 1979, quasiment un de ses premiers albums. Ouais, le deuxième, je crois, Roulette russe, ouais. Bachoun, quelqu'un d'important qui vous a marqué? Ben, sur la durée, ouais, moi j'ai un souvenir gamin d'entendre Gabi ou Gabi, je pense, dans la voiture en partant en vacances avec mes parents, j'avais pas 10 ans, quoi. Et après, c'est le chemin, c'est toujours le parcours. Déjà, moi, tous les artistes que j'ai vraiment adorés, c'est ceux dont je peux écouter encore le premier album et le dernier en me disant waouh, ah, là, ça, j'aime bien parce qu'on n'aime jamais tout, mais là, on peut piocher dans tous les albums de Bachoun et il y a quand même des trucs. Et voilà, et ce morceau-là, je le trouve ce texte hallucinant sur cette musique improbable parce que l'album n'a pas du tout ce son-là, quoi. Et comme je me disais qu'il fallait quand même que je mette des trucs en français, parce que même si c'est pas ma priorité, mais j'ai quand même écouté pas mal de trucs français. Ça, c'est à mettre un morceau de Bachoun, c'était celui-là, quoi. Vous dites faut mettre quelque chose en français. Vous chantez en français. Vous avez longtemps chanté en anglais, mais ouais. Vous chantez en français aussi maintenant. Aussi, ouais. Mais même, j'ai un peu toujours alterné les deux, quoi. Ouais. Et donc, si vous chantez, c'est que vous écrivez aussi en français. Voilà, ouais. En général, j'écris ce que je chante, ouais. C'est plus simple, ouais. C'est quoi un peu ce qui vous a marqué aussi dans la façon d'écrire, c'est des gens comme Bachoun, c'est des gens comme vous parliez tout à l'heure de Poem Rock, de Charlie Lee Couture, c'est ce style d'écriture. Ouais, j'avoue que j'ai jamais analysé la chose ni réfléchi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup écouté assez petit, quoi, à 12 ans, ces albums de Charlie Lee Couture, ma soeur avait les deux premiers là. Et je me rappelle de l'été 75, ça me faisait quelque chose, je savais pas trop pourquoi. Et Bachoun, ouais, je sais pas si ma manière d'écrire, c'est un peu plus foutraque, plus court. J'essaie moi de faire le minimum, c'est-à-dire, je sais que Pierrot il se foutait toujours de ma gueule, il me disait putain toi tu fais une chanson avec 5 mots quoi. Je disais ouais mais je prends 25% mec. Et il était toujours vert quoi. J'ai du mal à qualifier ma manière d'écrire. Je me sens pas. J'ai pas l'impression d'écrire comme Mathias de Merenberg. Lui, il écrit vraiment des chansons. Il a un truc. J'ai écrit pour arriver à faire de la musique plus que le contraire, quoi. On a souvent l'impression que quand vous écrivez, c'est pas j'ai écrit pour faire de la musique. Vous écrivez comme vous écrivez des chansons, comme vous écrivez la musique. C'est des notes que vous mettez. Ouais, y a beaucoup de ça, ouais. Les mots, ça donne des notes. Ça donne pas forcément un sens, mais ça donne des notes et du rythme. Exactement, ouais. Après, s'il y a un sens, Bachoun il disait une chanson, on y vient pour la musique, on y reste pour le texte. Ouais. Et c'est un peu ça, quoi. Et à un moment donné, j'en avais un peu marre. J'entendais en anglais des trucs qui voulaient un peu rien dire. Juste parce que pour l'énergie du rock'n'roll. Et dès que tu commences à mettre des mots, ben, tu peux aller choisir ça un peu bien, tu passes un peu de temps, et tu arrives à créer un truc qui peut parler à d'autres un peu plus, au-delà du son et du rythme. Et ça peut donner le sens. Après, avec Bouka, on est en train d'enlever tout ça pour revenir à des trucs à yaourt. Donc, tout se mélange un peu. Moi, mon but ultime, j'ai l'impression d'arriver pour arriver au cri primal, quoi. Une grosse éructation et point, quoi. I am the Black Crow King. I am the Black Crow King, the keeper of the nodding comb. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. All the hammers are a-talking. The hammers are a-talking. All the nails are singing. Nails are singing. So sweet and hear it in the valley. Well, if the lame and the blind, they climb my hill out of its belly. Lay with me, black boots shine. Oui, pour quelqu'un qui vient du rock'n'roll, la liste elle est quand même passablement blues, même si tout le monde sait que le rock'n'roll c'est du blues accéléré. Nick Cave avec les Bad Seeds, yes. Là aussi quelqu'un d'important, un peu comme Tom Waits, non pour vous? Ouais, plus que Tom Waits, je dirais même. Ouais, ouais. Mais pareil, c'est ce que je disais, c'est le parcours, quoi. Qui... Ça, c'est je sais pas quel album. C'est The First Born Is Dead, hommage à Elvis, quoi. C'est son disque de blues. Tous les autres albums sont pas du tout bluesy comme ça. Là, fait à Berlin avec ses potes un peu défoncés, je pense. C'est sa vision du blues. Alors, l'histoire, c'est The First Born Is Dead. C'est parce que Elvis Presley avait un frère jumeau qui est mort à la naissance, qui s'appelait Jesse Garone Presley, quoi. D'où Jesse Garone en France. Donc, déjà, avec le nom d'un enfant mort, faire une carrière, c'est pas mal. C'est lundi, quoi. Mais. Envie de pipi. Ouais, voilà, exactement, ouais. Donc. Oui, donc, album pour Presley et qui célèbre le fait qu'il soit le deuxième des jumeaux. Exactement, ouais. Et. Parce que j'ai, voilà, Nick Cave, voilà, je dois avoir tous ses disques, je l'ai vu 4 fois en concert. Quoi choisir? Et c'est quand même cet album-là qui, pour moi, j'adore ce son. Il y a d'autres morceaux beaucoup plus rythmés, avec Mick Harvey à la batterie, là, que je trouve hallucinant. Puis c'est l'époque avec Big Sabarguet de Anjunser de Neubauten, groupe allemand, et où il est dans sa période berlinoise, là, où c'est. Là, on est vraiment dans l'âpreté et tout ça, comme j'adore. Quoi. Voilà, comme vous disiez tout à l'heure, le plus près de l'os. Exactement, Et une musique complètement dégraissée. Exactement, et là, il a très bien réussi la chose, je trouve. Ils ont vraiment... Super album, quoi. Le fait, justement, de concevoir la musique comme sans effet, le plus proche des sonorités originelles de l'instrument. Vous disiez tout à l'heure que fallait pas vous parler de pédales et de choses comme ça. Ça reste votre marque de fabrique, rester au plus près du son originel? Ouais, en tout cas du son original comme je l'entends moi, donc j'ai pas la vérité. Enfin, chacun voit son truc, mais pour moi, si ouais, j'ai besoin de sentir, voilà, que ça rappe, que j'aime pas le velours, quoi. J'aime bien que ça rappe, comme ça, j'ai besoin d'aspérité pour être accroché, pour que ça m'accroche. C'est vrai que quand on vous entend jouer de la guitare, on entend aussi les doigts qui passent les accords. Ouais, et surtout pas les enlever, quoi. C'est comme les respirations avant le souffle. Il y a plein d'albums où t'entends pas. Mais si on est, les mecs, ils respirent pour chanter, quoi. Sinon, ils meurent, quoi. Donc, moi, j'ai besoin que ça soit un minimum naturel et vivant. Et voilà, quand quelqu'un de moi, j'ai rien de plus beau que quelqu'un qui. J'ai fait une soirée ce week-end avec les Mocky Dead Bird. Tu vois, le groupe où il y a le chanteur de Facteur Sauvage dedans. Et voilà, il nous a joué un morceau de... Il est franco-américain. Il nous a chanté un morceau de Jacques Brel. C'était magnifique, quoi. Et moi, ça me suffit pour... Didier Scalette. Daniel Scalette. Scalier. Scalier. Ouais, et il a horreur qu'on dise Scalette, apparemment, mais ce que m'a dit Mathias. Il a été à la fin, mais il habite en Bourgogne, c'est pour ça qu'il ne comprend pas qu'ici on dit mais tout. On prononce quand il vient en Occitanie, il faudra qu'il s'y fasse, on prononce toutes les lettres. C'est ça, exactement. S'il a une T à la fin, il faut l'entendre. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Alors là, la classe absolue, le repère absolu, The Clash, l'album c'est London Calling et c'est le morceau éponyme, morceau qui a fait chavirer une partie de la scène rock hexagonale pour le coup. Ah ben ouais, pas que même, j'imagine, quoi. Ouais, ben c'est ce que tu disais là, c'est, voilà, premier accord, première note, pam, pam. Ouais, l'éclat, c'est le meilleur album, l'album référence, je trouve que c'est... C'est un album imbattable, quoi. Et puis Joe Strummer et c'est ce groupe, enfin voilà, les Clash, quoi. Les Clash, ça aussi, c'est une de vos références. Ben, ça l'est devenu avec le temps, pareil. C'est pas un truc que j'ai découvert ado qui m'a fait dire merde à mes parents, quoi. Donc, non, j'ai découvert ça. Voilà, puis c'est l'essence du du rock. Ils ont pareil, c'est des punks, mais là voilà, est-ce que les punks ils s'assimilent à ça? Pas forcément à l'époque, quoi, en tout cas. Mais c'est un album référence, je pense, pour beaucoup de gens. Quelle différence vous faites justement entre le punk et le rock? Est-ce qu'il y en a une d'abord? Ouais, c'est juste les punks, c'est juste des mecs qui ont envoyé chier leur grand frère avec leur truc psychédélique, quoi. Mais à l'arrivée, ils se sont retrouvés 10 ans après, on leur a fait pareil, quoi, j'imagine. Ouais. Et puis ils se sont retrouvés à faire une musique qui avait été celle de leurs parents 20 ans avant. Mais bien sûr, là, ils reprennent le morceau d'après, c'est Brand New Cadillac. Exactement. Et voilà, quoi, la boucle est bouclée. au départ, voilà, c'était pour dire, ben, nous aussi, on peut le faire, même si on ne sait pas jouer des solos de guitare, ben, on n'a pas besoin. La voix de Joe Strummer, si on écoute, moi, il y a des reportages où t'entends la voix isolée, là. Tu t'es dit, mais c'est pas possible, quoi. Et puis tu mets la musique dessus, tu dis, ouais. C'est ça, mais bien sûr que c'est ça. C'est vrai qu'on vous a aussi assimilé à un guitariste punk. Bon, il y a eu cette histoire avec ce groupe de punk toulousain qui vous a occupé pendant une petite paire d'années. Ouais. Et c'est vrai que vous étiez aussi, j'allais dire, très impliqué sur la scène punk toulousaine. Bah, j'ai joué avec un groupe de punk, après je me suis jamais dit punk. Déjà à l'époque, les punks, ils trouvaient qu'on n'était pas assez punk. Donc moi j'ai jamais été bab, j'ai jamais été punk, j'ai jamais été dark metal ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de chapelle, quoi. Donc j'ai joué du punk parce que j'avais envie de jouer hyper vite et hyper fort avec des mecs où on faisait n'importe quoi sur scène et après. Mais pour moi j'ai jamais été vraiment punk, pas plus que bluesman, hein. Les souvenirs de ces époques-là à Toulouse, à jouer avec un groupe de punk, reste quoi? Ben c'est un peu comme la tribu à John Lennon, si tu t'en souviens, que c'est que tu l'as pas vécu, quoi. Donc il y a un peu de ça. Moi je me rappelle, c'était un gros n'importe quoi, ouais. C'était un gros n'importe quoi et je suis très content de l'avoir vécu, mais je pense que ça a abîmé ma santé. Non, c'était hyper riche et puis des rencontres incroyables, c'était... Voilà, faut pas raconter ça à la radio, quoi. Ah, mais d'accord. Les ailes de la Rolls s'effleuraient des pylônes. Malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Et pour finir votre liste, Bruno Zarn, ce Gainsbourg issu de l'album Mélodie Nelson, ce qu'on a l'habitude de qualifier en France de premier concept album de la scène musicale française. Pourquoi finir avec cet album-là? Oh, parce que c'est un chef-d'œuvre, cet album-là, quoi. Donc, en tout cas, c'est ce que je pense. Non, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est ce trio de rock anglais, ces arrangements de Vanier qui sont ce mélange, cette voix, cette histoire. 28 minutes, 7 morceaux, je sais plus. Poum. Et tout est dit. Pour moi, c'est un peu la classe, quoi. C'est un peu la classe, quand même. C'est des choses qui vous permettent aussi d'avancer, d'écouter les morceaux que vous nous avez proposés dans cette liste, de vous rebooster, de vous redonner des idées, de dire tiens, j'ai pas essayé ça, je pourrais y aller. Ouais, j'ai dû tout essayer, mais là, quand je réentends ça, je me dis ouais. Et ouais. Puis là, on n'entend pas tous les arrangements qui arrivent après, là, mais ça. Ouais, c'est d'écouter de la musique, ça, c'est une source d'inspiration perpétuelle, quoi. Et, mais ouais, ce disque-là, c'est quand même, je trouve... Alors, il y a tous les batailles, ouais, mais ça, c'est pas Gainsbourg qui l'a composé, c'est Vanier, machin. Mais Vanier, il aurait jamais fait ce disque sans Gainsbourg. Et il y a donc, ouais, voilà, il n'y a pas de discussion à avoir, à part que tu réunis un truc qui fait que 50 ans plus tard, eh bien, c'est imbattable, quoi. Ah. C'est imbattable, quoi. Je me disais, ça a à voir aussi avec ce que vous faites avec le Ghost Rider. Donc, je le répète, ce set d'à peu près une heure que vous faites autour de la relecture d'un morceau de Suicide d'Alan Vega, du groupe Suicide, où Alan Vega chantait sur son album Ghost Rider. Ou pareil, sur une heure, vous embarquez les gens dans une histoire. Et il n'y a pas que ce morceau de Suicide. Il y a plein de références à d'autres groupes. Vous jouez quelques accords de Doors, quelques accords comme ça. De groupes qui vous viennent au fur et à mesure, mais vous embarquez aussi les gens, comme dans Melody Nelson, Gainsbourg embarquait les gens dans cette histoire improbable d'une Lolita qui arrivait d'on ne sait où et qui repartait on ne sait vers quel pays imaginaire, mais pendant 30 minutes on était embarqué par cette histoire-là. C'est vrai que vous avez cette façon aussi d'essayer d'embarquer les gens dans votre histoire. Ben, carrément, c'est... le Ghost Rider il est vraiment né pour ça, quoi. Et c'est pour ça que j'y prends tout mon plaisir, parce que je peux hurler, je peux faire tout ce que je veux, et puis voilà, aller dans des chants et des trucs tout doux. Non, c'est, j'ai beaucoup de mal à limiter la musique qu'à un seul, de le réduire. Là, j'adore quand ça s'ouvre à plein de choses, et le Ghost Rider me permet ça, de revisiter pendant une heure, tout ce que j'aime, quoi. Donc t'as mieux si les gens s'y retrouvent à des moments, tout le temps. Et en tout cas, il faut qu'à la fin, ils n'en peuvent plus, quoi. Et c'est vrai que n'empêche, vous aurez toujours cette image de musicien rocker. Ouais, ouais, je pense, ouais. Mais après, j'ai revu par hasard un pote qui, à l'époque des Dipsoman, puis on fait un concert à l'Aveyron, et lui, l'Aveyronais, il me dit « Mais en fait, t'es pas qu'un rocker, toi, en fait. » Et pour moi, c'était le meilleur compliment qu'on puisse me faire, quoi. Ce qui fait qu'on est capable de vous écouter autant au Taquin que dans un petit bar rock qu'au festival de Jazz à Luz, comme vous avez pu le faire il y a 2 ans. C'est vrai que vous avez une façon de jouer qui est adaptée à plein de publics et à plein d'esthétiques. Ah ben ça, c'est super. C'est ça qui me va. Moi, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, c'est de pouvoir... s'ouvrir à un public qui est censé aller voir du jazz ou de la musique occitane. Enfin, moi j'ai fait la première partie de la Talvera. Évidemment, avec Estecop, ça faisait couleur. Oui, ils croyaient que je chantais en occitan. couleur locale. Je suis sûr que c'est pour ça. Juste avant de se quitter, 2 mots sur le prochain album de Boucan qui va aller de nouveau s'enregistrer au Pays de Galles chez John Parish. Voilà, mais pour l'instant, on dit, avant ça, on va sortir. On a un petit 6 titres qui va sortir déjà qui s'appelle Blabla. Ou qui va sortir, on est en train de le presser, on fait que du vinyle, donc ça va sortir en numérique un peu échelonné tout au long de l'année, et on prépare derrière un vrai album pour 2024 avec John Parish et plus Affinité, quoi. On travaille là-dessus pour l'instant. D'accord. Ça reste en gestation. Les textes s'écrivent. Ouais. Bon, en attendant, on vous veillera sur les scènes toulousaines, que ce soit avec Boucan ou avec le quartet d'Ember, puisque vous en faites également partie, ou dans vos solos que vous continuez à jouer ici et ailleurs. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, c'est cool. Bruno Izarn, d'être passé dans cette émission avec votre liste. Merci à Thomas Delafosse de l'avoir réalisé. Merci à Loïc Laporte d'en avoir composé le générique original. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans pas très longtemps avec notre invité. Merci, Bruno. Merci à toi.